Chapitre 337. L'interdiction de se relever de l'inclinaison, rukou', ou de la prosternation avant l'imam. 1751. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « L'un d'entre vous ne craint-il pas, lorsqu'il relève la tête avant l'imam, de l'inclinaison ou de la prosternation, qu'Allah la lui transforme en tête d'âne ou qu'il le transforme lui-même en âne ?» Al-Bukhari et Muslim.